Acheter mon micro cube, j'en ai un moi si vous voulez. Je m'en sers pas. Allez, je le donne, je le fais à 5 euros. Le premier qui vient chercher à 5 euros pour lui. C'est bien parce que je vous aime. Blackstar aussi avant, je vends tout, de toute façon j'arrête la musique. Je vais faire de la prostitution, c'est mieux, ça gagne mieux. J'écoutais de la musique comme ça quand j'étais gamin. Ecstasy. Et moi j'arrive plus à lire, il y a un monsieur qui écrit des lettres, ça fait des A, des F, des E. Attends, j'enlève ma réverbe. Je vois des lettres A, E, A, E, A, C, F, il y a des F aussi. C'est quoi ce langage là? Mec, il écrit avec 4 lettres. Ara, Ata, Akta, Aksa. Thank you.